en signe de soutien à la réponse du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères en date du 15 juin et à l'entretien du porte-parole du Comité de la Défense nationale de la République populaire démocratique de Corée en date du 19 juin, le syndicat uni des travailleurs de l'Association nationale péruvienne pour la santé des enfants a lancé le 20 courant une déclaration contre les hostilités américaines envers notre République. Par ailleurs, Javier Gradin, chef du département international du Front large du Pérou, a publié récemment un entretien contre l'ingérence américaine dans les affaires de notre pays.